Des cacahuètes, j'en ai 17. Je vais bien, avenue des Pins. Ma famille est chouette, le soleil brille au loin. J'habite au 17, avenue des Pins. On vous l'avait dit? Ça fait des années qu'on se pratique, moi et Guillaume, tous les jeudis soirs à 7h14. On vous l'avait dit qu'on deviendrait champion. Pis on vous l'a prouvé cette semaine. Oh oui, ce lundi, on vous a affronté pis on vous a battu comme des champions. Oh que oui. Puis votre combat revanche, vous pouvez oublier ça, c'est clair. Oh oui, on a au moins 30 jours où est-ce qu'on a le droit de garder notre ceinture pis on va les prendre tous et on va les aimer. On est les champions incontestés par équipe de Crib du Québec. Et ça, vous pouvez jamais nous l'enlever. 22 ans de terreur mise à néant en une seule soirée. Les sœurs Fortin ont été anéanties cette semaine. Oh yeah! Oh yeah! Oh, on a fait un gros cas, mais c'est vraiment cool parce que c'était, lundi passé, c'était la fête de notre maman. Ouais. Chantant à maman. Bonne fête, bonne fête. De 42 ans. Ah ouais, c'est ça, hein? Mais c'est ça, c'est que moi et Guillaume, on aime beaucoup le jeu de cartes, les cribs. En fait, on aime beaucoup les jeux de cartes à base. Ouais, mais on le cribage, c'est comme assez particulier. C'est vraiment cool le crib. Puis l'affaire, c'est que ma mère est extrêmement chanceuse à ce jeu-là. Et calique, chanceuse comme la marde de pape, hein? Et c'est pas drôle, ça n'est pas drôle. C'est un coyote qui n'arrête pas de gagner. Puis le plus, c'est qu'elle est pas tout seul parce que sa sœur aussi est aussi chanceuse à ce jeu-là. Ça a pas de bon sens. Une main de 24. Une main de 24. La plus haute main que tu peux faire au crib, c'est 29. Elle a fait 24. J'en revenais juste pas, là. Comme si de rien n'était, là. 15-2, 15-4, 15-29 et 2-37. Calique, arrête! Arrête! Puis, elle s'invente des points pour moi, là. Ben ouais, c'est ça. Mais souvent, quand ils sont là, les deux ensemble, on sort le jeu de crib, puis là, on joue en 2 contre 2. Mm-hmm. Puis Guillaume, puis moi, d'habitude, on se fait torcher assez solide. Pour ceux qui savent pas, si tu réussis pas à te rendre à 120, c'est tout ça? Je me sais plus le skunk où, mais enfin, dans ce coin-là. On appelle ça le skunk, ça veut dire une moufette en français. Puis ça fait que tu donnes 2 victoires à l'adversaire si t'as pas dépassé ce point-là. Puis généralement, on réussit pas à le dépasser quand on joue contre eux. Ils font vraiment beaucoup trop de points, puis Guillaume essaye trop de jouer avec la chance. Oui, mais c'est parce que je me dis, colique, soit que je fais 4 points, ou ben non, j'ai la chance de peut-être faire 16 points. Fait que je garde pas mes 4 points en me disant que je vais peut-être faire 16 points, finalement j'en fais 0. c'est ça qui arrive par contre, Guillaume, c'est que... Si tu dis, ah, si j'ai pas exactement la bonne carte, je vais faire plein de points, oui. Mais si tu gardes juste les cartes qui te donnent des points, t'as quand même la possibilité de faire plus de points. Généralement, j'essaie de faire des points sans run. C'est pour ça que je garde ces cartes-là. Moi, j'essaie de garder comme une carte forte, puis 3 cartes un peu moins fortes. Comme ça, je me dis, je vais faire des points sans run. Puis, ben oui, je fais des points sans run, mais c'est généralement pas là que tu gagnes. C'est rare moment... que tu gagnes grâce à run. Ouais, du moment que Rosalie, elle a compris comment jouer, chante-toi à Rosalie. Chante-toi à Rosalie. J'y ai dit, Rosalie, tu vas me dire quelle carte garder dorénavant. Ben, on a tout gagné. Une chance qui est là. J'aime beaucoup Rosalie, j'aimerais ça si tu pouvais entendre ce que je te dis en ce ouais, moment. Ouais, ben, on est comme le New Day, tu sais, on est les champions par équipe, mais on a un troisième lien, là, qui nous aide. Troisième lien. Oh troisième non, lien. Je suis triggered. On en va là-dessus. Mais ouais, mais finalement, ça a été une très belle fête. Hey, on a mangé des fucking grosses pizzas. Hey, on a fait nos propres pizzas. Ben là, je te raconte ça comme si tu savais pas c'était quoi, mais dans le fond, on parle à notre public. Oh, ouais, on parle à toi à la maison, assis dans ton salon en bobette. On t'imagine comme si c'était avec nous au 17 Avenue des Pins. Ouais, puis tu manges des Cheetos au fromage. Pis que tu salis toutes mes manettes de Xbox. Hey, on décide qu'on fait nos propres pizzas. Puis ouais. Moi, je suis végétarien, mais je suis cochon un petit peu. Fait que je décide que je me fais la grosse pizza VG. D'habitude, quand tu vas au resto et que tu prends une pizza VG, ils prennent genre des olives vertes, puis du poivron, des champignons, un petit peu de sauce tomate, puis trois fromage, 3 artichauts. C'est pas bon, les artichauts. Enfin bref, je décide que je me fais la pizza végétarienne. Fait que je prends un morceau de tofu avec du fromage feta. Je l'émiette les deux puis je les mélange ensemble, ok? Donc okay. Là, ça t'attire pas. Je commence ben, par une c'est ça, le fromage, ça le fait pas. Feta. Je l'ai tiré, celle-là. Ouais. Je fais une première couche avec de la sauce tomate. Par-dessus, je mets des tranches de tomate. Après ça, je mets des tomates séchées. Mais il y en avait des tomates séchées. Je le sais, il était bon. Après ça, oui, effectivement. Après la tranche de tomate, j'ai mis une couche de champignons. Après ça, on a mis des poivrons. Puis après ça, on a terminé avec notre préparation de fromage feta. Puis de tofu. Par-dessus ça, on a mis du fromage brie. Puis on a aussi mis des tomates séchées. Mais c'est quand même gant, mais tu faisais une pizza ou un party mix? Ah ben c'était une expérience. Une expérience qui a été fructueuse parce que c'était très très bon. Mais j'ai probablement pris 6000 calories cette journée-là. C'était absolument incroyable. Est-ce que t'as fait un extrêmement long caca le lendemain? Non, mais cette semaine, j'ai fait des cacas intéressants. Sans entrer dans les détails, c'était ça. En tout cas, c'était ça attachait le bol. Okay. Il était pas blanc, Michel. Ouais, non. C'était collé avec la crotte blanche. Puis toi, Maxime, t'as fait quoi comme pizza? Ben moi, je me suis dit, Kerem, je veux pas trop me faire chier avec la préparation de la pizza. J'ai été au métro parce qu'au métro, ce qu'il y a de cool, c'est qu'ils ont une préparation de salade de saumon fumé déjà préparée qui coûte pas trop cher. Puis moi, je suis un grand amateur de saumon fumé parce que j'aime le saumon et j'aime fumer. Et pour vrai, dans ce salade-là, il y a des oignons rouges, du saumon fumé, des câpres et des olives noires. J'aime beaucoup les câpres, parenthèse. C'est un aliment que j'ai découvert quand je travaillais dans le café biscottier à l'époque, qui est devenu le café du Petit Pré. Puis, ils mettaient ça dans le sandwich au saumon. C'était les bagels au saumon fumé avec du fromage à la crème. Ben moi, il y avait des câbles, je les mettais dedans. Puis là, un moment donné, je n'ai pris un, je l'ai mis dans ma bouche. Puis j'étais comme, ah ben c'est quand même très très bon. Ouais, non, ça goûte bon. C'est bon, je sais pas si c'est un légume. Je pense que c'est un légume. Je sais pas. Je pense que oui. Ça serait bien possible. S'il y a quelqu'un qui écoute le titre d'Amine Népin qui sait que si les câbles sont un légume ou pas, ça serait cool si vous nous l'écriviez sur notre page Facebook. Exactement. Mais ouais, fait que j'ai pris la pâte, j'ai mis du fromage à la crème. On a rajouté ça par-dessus. Puis pour pas que ça soit trop salé, on a... La veille, on avait fait griller des poivrons rouges, puis on a mis une christie de grosse couche de poivrons rouges. Ouh, OK. C'était vraiment délicieux, une très très bonne pizza au saumon fumé et poivrons rouges. Mais je suis vraiment surpris, Maxime, parce que je connais toi que t'aimes pas le fromage, puis là tu me dis que tu mets du fromage à la crème sur ta pide, c'est weird longtemps. En fait, parce que c'est plus comme une crème de 1, puis 2, c'est chaud. Fait que ça vient se fusionner avec les autres éléments, pis ça goûte pas vraiment le fromage. Mais tu sais, j'en prendrais pas une cuillère, c'est sûr que je vomis, là. Ah ouais? Oui, c'est sûr. Tant que ça. Oui, j'haïs vraiment ça. Mais là, vu que c'est étendu, c'est mélangé, puis c'est chaud, ça passe. Mais pourtant, moi, le fromage à la crème, je trouve personnellement que c'est un goût qui se distingue vraiment beaucoup du fromage en général. Tu sais, je veux dire, tu peux en mettre dans un dessert, puis ton dessert, il est très très bon, là. Fait que, tandis que tu mettrais du cheese whiz dans ton dessert, il serait dégueu. Moi, j'ai jamais essayé, là, mais je m'imagine déjà le goût, là. Ouais, ben, personnellement, si t'écris fromage dessus, ça goûte le fromage. c'est la règle. C'est la règle. Non, mais pour vrai, le seul autre fromage que j'haïs pas chaud, c'est le fromage de chèvre, parce que ça devient comme une mousse. Oui, c'est vrai. Ça goûte pas vraiment le fromage, mais quand c'est froid et dur, ça vient que ça goûte quand même le fromage avec la texture et tout, j'aime pas ça. Mais quand c'est chaud en mousse, j'haïs pas ça non plus. Bon, fait que, bon, on fait quand même des belles pizzas. Je sais qu'il y en avait une autre pepperoni fromage avec bacon, puis il y en avait une autre spéciale au fromage brie pour ma maman, pas la même que moi, mais il y avait mis du tomate séchée, du fromage brie, puis d'autres ingrédients dont j'ignore l'existence, parce que, ben en fait, je connais l'existence, mais j'ignore l'origine, j'ignore l'identité, c'est ça le mot que je cherchais, je l'ignore parce que je n'ai pas mangé de cette pizza. Mais il y avait du jambon, c'est vrai, c'était jambon brie. Ouais, jambon brie. Fait que j'ignore plus l'identité. Hein, bon Dieu, t'as résolu ton mystère, fait que résolu. J'ai réglé. Ça mélange entre résolu et résolu. Fait que Maxime, tu m'avais parlé d'un projet. Ben oui, j'ai été voir mon ami Michael, le chanteur de Michael. C'est lui qui aime Mario Strikers 2. Il est vraiment bizarre. Ouais, en tout cas. Ben, c'est une parenthèse. Mais ouais, fait que là, je l'ai vu vendredi, puis il m'a parlé de son livre. Pas voler trop d'affaires, parce qu'il est encore en écriture de son livre. Mais dans le fond, c'est un monde où c'est que les magiciens affrontent les humains. Puis ça a l'air vraiment cool, pour vrai. Il y a un gouffre sans fond, des gens qui meurent, puis de la magie. Mais c'est quand même badass. En tout cas, on l'invitera, mais qu'il ait écrit son livre pour qu'il nous en parle, ça a vraiment l'air cool. On va venir faire le lancement de son livre à 17 Avenue des Pins. Pas game! On te met au défi, Michael. Ouais. Mais ouais, mais c'est ça. Fait que lui, il m'avait écrit, j'aimerais ça si on pouvait faire une série YouTube ensemble. J'aimerais ça faire des vidéos ensemble avec toi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Parce que pour ceux qui savent pas, on a fait les pick and pell quand on était jeunes. Faudrait peut-être faire un événement où c'est qu'on invite plein de gens pour présenter les pick and pell dans une salle. C'est vraiment important. Je pense que les gens trouveraient ça intéressant. Ah, on va faire un sondage si les gens, ça pourrait vous intéresser. Voir des sketchs qu'on a fait quand on était jeunes. C'est aucun rip-off des Chicken Swell, faites-vous-en pas, c'est une idée originale. Ah, ça c'est vraiment bon. Mais bref, lui il m'avait parlé de faire un truc de jeu vidéo, comme de la compétition. Là, j'étais comme... C'est ce qu'on a fait avec les Furieux Frangins, ça n'a pas vraiment marché, ça me tente pas vraiment de refaire quelque chose de jeu vidéo. Là. Le monde font juste ça, des trucs de jeu vidéo. C'est vrai, hein? Sur Internet. J'étais un peu tanné de voir ça, là, personnellement. Mm-hmm. Puis j'ai présenté mon idée, ouais, c'est que j'aimerais ça faire des courts-métrages un peu comme Marvel, puis créer comme un univers de super-héros qui se passe à Québec. OK! Puis, fait que là, on pourrait faire plusieurs personnages différents des courts-métrages sur YouTube pour après ça faire un genre de Avengers où c'est qu'ils se rencontrent. C'est hot! C'est très hot! Fait que là, on est dans les balbutiements de parler de ça. Les personnages auxquels on a pensé en ce moment, il y avait la bûche, qui est un gars qui manipule un peu le bois puis qui peut faire pousser des bûches. Un genre de gros bûcheron. OK. Un genre de chaman amérindien. Okay. La dame blanche qui aurait comme une histoire un peu morbide, fantôme autour. Okay. Il y a aussi le métropolitain. Le métropolitain? Ce serait le gars de Montréal qui arrive à Québec puis qui est un peu comme Iron Man, mais qui contrôle tout avec son cellulaire. Ah, OK. C'est un gros hacker. Okay. Ouais, c'est ça. Fait que, ça tourne un peu comme ça. Puis on a aussi une surprise là, dans les méchants. Là. C'est quelque chose de vraiment cool que je veux pas spoiler. Okay. Mais le nom de leur équipe, genre Avengers, ça serait les gens du pays. Les gens du pays? Puis là, leur slogan, ça serait genre... C'est notre tour! Ben oui, c'est ça! Fait que là, genre, le capitaine ferait « Allez, gens du pays! » Puis toutes les autres feraient « C'est notre tour! » Puis là, ils vont attaquer. Là. Ça serait vraiment cheesy, ça serait incroyable. Ça serait vraiment hot. Hey, je suis actually hyped. Puis tu sais que j'aime pas tant les films de super-héros en général, mais je suis vraiment hyped pour ton idée. C'est très hot. Bon, ben, fait que ça, c'est une idée. Fait que à ça, je l'ai dit, ben, j'ai comme tout le choix là, de mettre du temps dedans. Mettre du temps dedans, puis de trouver des collaborateurs. Ouais, ben, on a peut-être quelqu'un. Ouais. Puis toi, Guillaume, cette semaine, t'as pas fait quelque chose de cool, genre, je sais pas moi, de la pâtisserie. Ben, voyons donc, tu viens à me penser. Hey, j'ai fait des bons biscuits cette semaine, je t'en ai même pas apporté. Hey, c'est bien pour toi. C'est un peu sauvage, ça. Mais en tout cas, ouais, c'est pas la seule. Demain à l'improvisation. C'est cool, c'est pas la seule chose que t'as pas apporté cette semaine. Hein? Bon, on en rentrera pas dans les détails. Arrête de casser mes chevilles, Maxime, les couteaux volent bas. Les couteaux volent bas, je ben te oui, le dis. J'ai fait des bons biscuits. Biscuits chocolat et bleuet. Mon Dieu, ça me fait penser à mes brownies au chocolat blanc. Tu t'en souviens-tu? Oui, je m'en souviens. Il était vraiment bon. Ouais, c'est vraiment bon. OK, c'est ça. Fait que les biscuits, qu'est-ce qui est arrivé quand je faisais mes biscuits? J'ai fait mes biscuits, c'est ça. J'ai pris une plaque à biscuits. J'ai mis un papier ciré. J'ai mis mes biscuits dessus. Je l'ai mis au four. Puis là, d'un coup, mon détecteur de fumée, il part. Là, je fais comme, ah, OK, ouais, il est dans ma chambre, le détecteur de fumée, mais il est très sensible. Fait que j'ai dit, je vais fermer la porte, ça va être correct. Il repart une deuxième fois. Là, je check mon four. Mais là, tu voyais pas la fumée? Non, je la voyais pas. Là, je vois plein de fumée qui sort de mon four. Là, je suis comme, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre mon four, le papier est en train de brûler dans le four. Du papier ciré, moi, dans ma tête, ça va au four. Ben, moi aussi, ça me semble que tu peux mettre ça n'importe où. Ben oui. Ciré. Ben non, il est en train de brûler. Là, mais t'as peut-être dire que du papier parchemin et du papier ciré, c'est pas la même affaire. Ben, c'est ce que je sais pas. Écoute, s'il y a quelqu'un qui se connaît plus en pâtisserie que moi, il peut me le dire. Mais écoute, du papier parchemin et du papier ciré, dans ma tête, c'est la même affaire. Puis du papier parchemin, j'en mets au four. Hey, il est où le bug, là? Expliquez-moi, quelqu'un! Fait que là, c'est choquant ça, mais les biscuits étaient-tu bons finalement? Ils étaient bons. Ils étaient bons. Ben, enfin, la première batch, à cause de ça, je les ai laissés un peu moins longtemps, fait qu'il était un petit peu. Il était plus tendre, mais moins bien cuit, mettons. Le chocolat n'a pas eu le temps de fondre, là, pas tant que ça. La deuxième batch était très très bon. J'en ai mangé une grande quantité d'ailleurs, je me sens un peu mal, mais c'est pas grave, il était bon. Ah, oh, ben, je suis content que tu m'en parles. J'ai hâte de goûter à ça. Ben, je vais t'en apporter dès que je peux. Ah, oh, c'est cool. Fait que, ben, je pense que j'ai assez parlé de ma semaine. Moi, là, on a là-dessus la chronique. Ce que les frangins aiment plus que les biscuits, c'est le poil. Ils décident de piéger au téléphone leur bon ami, aussi amateur de poil, Christian Hamel. Oui, allô? Oui, allô, je vous appelle, j'espère que je ne vous dérange pas, là. Je vous appelle de Trois-Rivières. J'ai parlé à un de vos amis, monsieur Duquette, je parle Luc. Luc Duchesne, oui. Ah oui, Luc Duchesne, oui, oui. Et me parlez de vous parce que j'ai une petite entreprise à Trois-Rivières de courte pointe. Puis il me référait à vous pour un potentiel site web. Est-ce que vous auriez 2-3 minutes? Je vous en parle, je vous dis que c'est vraiment pas long. OK, oui, oui. OK. Bon, dans le fond, c'est que moi, je fais des courtes pointes, mais je fais pas n'importe quel style de courte pointe, OK? C'est que moi, je fais des courtes pointes à partir de poils humains. OK. Puis, dans le fond, j'aimerais ça avoir un site web comme un peu dynamique pour montrer à quel point les cheveux humains, on les perd quand on va, mettons, chez le coiffeur ou quand on se rase. Mais moi, je pourrais tout récupérer ça dans la ville de Trois-Rivières, faire des courtes pointes. OK. Ben, tu sais, fait que là, je me suis dit, vous, il m'a dit que vous faisiez un peu de vidéo aussi, puis de sites web. Je me demandais, vous, êtes-vous bon l'intégration de vidéos dans des sites web, puis des trucs dynamiques en animation? Oh oui, ben, il n'y a pas de problème avec ça, non, oui. OK, OK. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui trouvent ça un peu particulier. Par contre, moi, j'utilise aussi les poils de bébé pour faire des courtes pointes très douces qui sont très résistantes au froid. OK. Vous, est-ce que vous sentez un peu mal que j'utilise un peu les bébés comme ça? Ouais, ben non. J'ai un ami qui fait de l'art aussi avec les poils, puis c'est particulier, mais il y a un marché pour ça. OK. Il m'avait dit que vous seriez probablement intéressé à ce projet-là aussi. Il m'a même montré un petit cadre que vous aviez fait avec des poils sur vos visages. Ça c'est venu me chercher. C'est pour ça que je vous ai écrit, en fait. Ah, OK. Est-ce que c'est ça qui a inspiré votre art? Non. Je faisais déjà des trucs, des poils humains, mais quand j'avais parlé à Luc en premier, mais là, quand il m'a montré justement ce cadre avec les poils de veau en photo, j'ai fait « Oh mon Dieu, cette personne, elle me comprend. » Ah, c'est sûr. Ben, je peux même vous fournir du poil, si vous voulez. Ah oui? Vous feriez ça pour moi? Ah, ben oui. OK, excellent. Est-ce que vous avez une adresse courriel ou un exemple de site web que vous faisiez juste que je puisse vérifier que vous êtes vraiment dans les compétences qu'on recherche? Ah ben, ça sera disponible sur leduc.tv. OK, fait que si je vais sur leduc.tv, je vais pouvoir ce que vous faites, vous. Oui. OK. Excellent. Eh bien, merci beaucoup de votre temps. C'est très très gentil. Est-ce que vous avez une adresse courriel à laquelle je pourrais vous écrire? Luduc@commercial.hotmail.com. OK. Merci beaucoup. Je vais vous écrire. J'avais seulement une dernière question pour vous. Oui. Je me demandais, vous, est-ce que vous seriez intéressé à faire partie d'un podcast qui s'appelle le 17 Avenue des Pins? Oui, je serais très intéressé. Vous seriez même invité à mon propre podcast, Les Informateurs. Ah, ça serait vraiment cool parce que, justement, vous venez de passer à votre première chronique. Ah, c'est parfait. Hey, on s'en passe 6 affaires aujourd'hui. Ah, c'est fou, c'est épouvantable. Je vais vous laisser le mot de la fin, Monsieur Hamel. OK, c'est bon. Alors, Monsieur Hamel, je vous donne la parole. Oui, moi-même. Je voudrais me remercier tout d'abord pour avoir répondu sérieusement à cet appel. Et je voudrais aussi vous féliciter pour avoir réussi à garder votre sérieux dans toute cette démarche. Alors, si un jour la crème devient moins chère, alors le monde du fromage sera plus riche. C'est sur ces sages paroles qu'on se quitte, Monsieur Christian. Merci. Bonne journée. Au revoir. Parlant de crème, la crème des joueurs de Smash Bros s'est affrontée ce week-end dernier, causant bien des rebondissements dans la communauté. Nous retrouvons les frères alors qu'ils pratiquent leur chant sur le thème de Smash Bros. OK, on est peut-être pas rendu au niveau de Smoke Make Grove, puis on pourrait pas se faire de CD juste avec nos voix. On progresse. Je trouve que c'est quand même bon, on avait le rythme. Oui. Hey Maxime, ça tombe bien qu'on venait ce verre d'oreille. Je voulais te parler de Smash, justement, parce que dimanche, pas qui vient de passer, mais l'autre avant, c'était le tournoi The Big House 6. C'est où que ça se passe, ça, le Big House 6? Aux États-Unis. d'Amérique, fuck yeah! Ouais, je sais pas exactement à quel endroit c'était. Je sais que c'était aux États-Unis. Mon double, c'est juste écrit United States. Tant ok. The Big House 6, ça c'est-tu parce que ça regroupe les 6 meilleurs ou. Non, c'est la 6e édition du tournoi de The Big House. Ah, ok. C'est ça. Ouais. Ça doit se passer à Maison Blanche, c'est la seule grosse maison aux États-Unis. Non, le Tuber et la Maison Bleue. Ah, c'est ça? Oui! Il joue contre un gros chien. Il me semble que c'était un ours. En tout cas, il y a eu le tournoi, c'était Smash Wii U et Smash Melee. Puis moi, je voulais te parler majoritairement de Melee. Je vais juste passer en vitesse, donner des spoilers qui a gagné le tournoi. D'abord, Wii U en simple, c'est Zero qui a gagné en finale contre Entai. Le seul truc, c'est que Alai était pas présent en simple, il était juste là en double pendant le tournoi. Ok. Que ça peut avoir brouillé les cartes un petit peu. Ok, ok. C'est quand même intéressant à suivre. C'est quel qui ressemble à moi déjà là? C'est Mango. Bon, on est pas encore rendu. Ok. Zero et Nairo ont battu Mewtwo King et Alai en finale pour gagner en double à Smash 4. Et on arrive dans Melee. Melee c'était très très intéressant parce que on a Mango qui termine premier en défaisant Armada en grande finale. Un combat qui était vraiment vraiment intéressant. Un comeback de Mango d'ailleurs. C'est quoi leur personnage à eux? Mango joue Fox et Falco, mais majoritairement Fox. Puis Armada joue Peach. Ok. Et, joue Fox aussi de temps en temps, mais surtout Peach. Pour ceux qui suivent pas là, Smash Bros c'est un jeu de combat dans lequel on joue des personnages de Nintendo. Mais si vous connaissez pas Smash là. Ben là écoute, il y a du monde là. Nintendo c'est une compagnie de jeux vidéo. C'est vrai. Les jeux vidéo, c'est des jeux numériques auxquels on fait des règles, puis qu'on fait. Il y a plusieurs objectifs différents qu'il faut atteindre. T'as bien raison. Un je jeu veux faire une parenthèse rapide. Mewtwo King a fini 4e à Smash Melee. Mewtwo King, je le trouve vraiment impressionnant. C'est mon joueur préféré. Ce qui est impressionnant chez Mewtwo King, c'est qu'il est classé très bon à Smash Wii U, puis à Smash Melee. Melee, il est rendu 4e mondial, si je me trompe pas. Wii U, il a terminé en finale avec Alai, le tournoi en double. Je trouve que c'est très très impressionnant de faire les deux jeux. En double, les victoires, on a SFAT et PewPewU qui ont battu Armada et Android en finale. Et ce qui m'amène justement, SFAT qui a gagné en double, a fait une très bonne run. Ça fait très très longtemps qu'il a fait ça. Ben très très longtemps en fait, je sais pas exactement ses classements généraux. Mais il a battu Hungry Box. Ben c'est ça que je me disais, mais Sam, il y avait un gros nom qui manquait là dans ce que tu disais. En ronde 64, SFAT réussit à battre Hungry Box 3-0 clean, l'élimine du tournoi. Ben Hungry Box c'est pas genre le meilleur au monde? Oui, il est premier présentement au monde. Puis, il l'a battu d'une façon très très impressionnante. Si tu suis Hungry Box un peu, tu sais que Hungry Box aime rester au bout de la map, se promener un petit peu, puis piéger son adversaire quand celui-là fait un faux pas. Eh bien, SFAT a décidé de jouer exactement la même game que Hungry Box. Hungry Box est un peu fâchant parce qu'il joue Jigglypuff, puis il reste juste dans son coin, il est un peu plat à regarder. SFAT, lui, joue Fox. Il a fait un combat très très... les combats étaient longs, là. Ils ont duré comme 4 minutes chaque combat, ce qui est quand même long pour un match de Smash Melee. Et au terme desquels SFAT a gagné, mais il faisait pareil, il restait au bout de la map, puis il attendait qu'Hungry Box s'approche avant de l'attaquer. C'était très très hot à voir. Puis la différence entre Jigglypuff puis Fox, c'est que Fox il y a un laser. Jigglypuff il n'y a pas de laser. C'est ça. Ce qui fait que d'un côté t'avais un Pokémon trouillard, puis de l'autre côté t'avais un Fox trouillard, mais un Fox trouillard avec un fusil. Fait que, il tirait sur Jigglypuff. Oui, faisait monter les pourcentages, puis à un moment donné, l'autre il n'a pas le choix. À un moment donné, il voit bien que ses pourcentages augmentent, puis il veut pas se faire éliminer tout de suite. Fait qu'il va fonce dans le tas. Fait que c'est lui qui fait un faux pas. Exactement, il se fait éliminer. Donc, éliminé par SFAT. Après le tournoi, Hungry Box est un petit peu dérouté, là, je le comprends. Puis, en tant que tel, ça va probablement changer tout le metagame des matchs contre Jigglypuff. Parce que présentement, le monde a de la misère contre Jigglypuff de H-Box. Mais ça risque de changer dans les prochains mois si le monde commence à avoir une tactique de jeu qui ressemble un peu à SFAT. Puis, c'est sûr que le monde va faire ça, ils vont vouloir éliminer Hungry Box. Là. Exactement. S'il y a un bon truc, c'est sûr que le monde. En tout cas, il va falloir qu'il s'adapte à Hungry Box. Moi, personnellement, c'est pas une tactique de jeu que je trouve intéressante parce que ça joue sur le fait vu que toi tu vas te tromper, moi je vais pouvoir te battre. Oui. Moi, je préfère les trucs qui sont plus agressifs. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est un jeu de combat. Le jeu, c'est pas attendre puis éliminer au bon moment. Exactement. C'est un jeu, on se bat puis le meilleur gagne. Mais là, de la manière qu'Hungry Box joue, c'est pas le meilleur gagne. C'est là tu fais pas d'erreur puis tu vas peut-être gagner. Mais en même temps, faut être très très discipliné, ce qui fait que tu sais, moi d'un côté, je me dis la tactique lui permet de gagner en étant très discipliné, en ayant un plan de match clair, puis en ayant quand même des bonnes techniques de jeu là, on s'entend. Non, mais c'est sûr, là, il est bon. Mais c'est vrai qu'il est plate à regarder jouer puis c'est fâchant de le regarder jouer. Ce qui fait que cette semaine, il a fait un live stream sur Twitch où est-ce qu'il parlait de sa vie personnelle puis de sa vie dans Smash. Okay. Hungry Box, je sais pas si tu savais, il a fait des études universitaires en ingénierie, il est ingénieur depuis plusieurs années, puis il a lâché sa job en ingénierie pour se concentrer encore plus sur Smash. Depuis qu'il s'est fait éliminer oui, ou ça fait... depuis qu'il s'est fait éliminer. Pour vrai? Oui. Hungry Box passait à travers une passe un petit peu difficile qui disait... il disait qu'il était un petit peu dépressif par moment, bref, en tout cas, on n'entrera pas dans les détails, mais il laisse sa job pour se concentrer sur Match, ça c'est une très grosse annonce. Il dit qu'il va aller à plus de tournois locaux, puis qu'il va aller à peu près à tous les tournois qu'il peut aller. Il va voyager, puis il va vivre seulement de Super Smash Brothers. Y en a-t-il qui font ça en ce moment, juste de Smash? Je pense que Mewtwo King le fait. Je pense que si il était, ben, en tant que tel Mewtwo King, il a un trouble du spectre de l'autisme, fait qu'il peut... travaille pas en dehors de Smash. Ok, ouais. Ça fait que ça lui permet de gagner de l'argent. Puis en même temps, il joue à Melee, il joue à Brawl, il joue à Smash 4. Fait que tu sais, il était capable de faire son compte en jouant à toutes les versions du jeu. Hungry Box, lui, il joue seulement à Melee. Joue pas vraiment en double, joue dans les crew battles. Tu sais, on veut pas se mettre à dos la gang de Melee, mais veut pas Nintendo essaye de tuer Melee. Tellement, là. Depuis que c'est en jeu, là, pour faire un bref historique en une phrase, là, Nintendo, c'est le plus gros cock-block de tous les événements de hardcore gamer, en quelque part. Parce que Melee, ils ont voulu faire une communauté hardcore, ils ont réussi à la faire. Puis Nintendo bloquait par-dessus bloc les droits d'auteur pour diffuser les matchs en live stream. Il faut qu'ils payent un prix de fou pour pouvoir diffuser ça. Là, c'est vraiment pas vergeux. Ce qui est ridicule, parce que s'ils le mettaient en téléchargement, ils en ont mis des jeux de GameCube, de Wii, fait que c'est le même engin. Ben oui. S'ils mettaient Melee en téléchargement, c'est à Wii U, puis qu'ils font une petite patch pour utiliser justement le USB avec les manettes de GameCube, ben oui. Je veux dire, le jeu il se vend, puis ils ont encore tous les droits, là, le monde y achèterait des Wii U juste pour jouer à Smash. Voilà, exactement, puis t'aurais même l'option de le mettre en HD à la limite. Là. Ben oui. C'est pas plus compliqué que ça. Enfin bref, ce qui nous intéresse, c'est vraiment Hungry Box, le fait qu'il a laissé son travail pour se concentrer sur Smash, puis tout le metagame qui change dans le match-up Fox et Jigglypuff. Généralement, Jigglypuff avait l'avantage contre Fox parce que le Fox est très très agressif, réussit à voler des sets au Jigglypuff, mais écoute, généralement le Jigglypuff réussit à s'en sortir parce qu'il est très très passif, reste dans son coin, puis fait un rest bien placé. Mais là, hey, Hungry Box a même placé un rest, je pense, seulement contre S-Fat. Puis le rest, je sais pas si vous savez, mais quand tu t'endors exactement sur ton adversaire, il explose au bout de la map, puis c'est vraiment très très puissant. Et c'est très très chiant. Oui, c'est très chiant. Mais malheureusement, quand que t'as moins de vie que ton adversaire, t'essaies de pas le faire, parce que généralement ton adversaire il revient sur le jeu, t'es encore endormi, puis il a le temps de te taper sa gueule pendant ce temps-là. Ce qui fait que voilà, ça change vraiment le metagame, puis je trouvais ça intéressant de t'en parler. Le tournoi, c'est l'un des gros tournois là, qui vient de se passer, c'est dans la route pour Evo. Puis moi j'étais complètement sur le cul. Premièrement, de voir le résultat de la finale, que Hungry Box était nowhere to be seen de 1 à 8. Là. Normalement, il termine jamais en bas de 4e généralement. Là. Mais ouais, était éliminé rapidement. Ça a été aussi le retour à la compétition américaine pour Leffen. Leffen, qui est un joueur suédois qui avait pu, si je me trompe pas, il avait plus de visa. Genre. Ouais, j'avais lu ça, il y avait un problème de visa, puis vu que. Les jeux vidéo sont pas considérés comme de la compétition, mais il n'y avait pas le droit d'avoir un visa de compétition comme n'importe quel joueur de soccer ou de baseball aurait le droit de faire. Là. Ouais. Ce qui amène aussi à un autre problème de... Il y a des millions qui se gagnent à chaque année dans LOL, Dota, Smash Bros, Street Fighter, mais... ils remplissent des stades, il y a plein de gens qui regardent ça sur les streams, mais les instances gouvernementales qualifient pas ça de sport alors que c'est exactement la même chose que d'aller dans un stade puis regarder des gens taper sur un ballon. Là. Exactement. Puis ce qui est le plus choquant là-dedans, c'est que des joueurs de poker y ont accès, eux autres, par exemple. Joueurs de poker, c'est juste des cartes, là. J'allais en dire un autre, mais j'ai oublié. Les dards, c'est pas vraiment plus c'est gros, physique, là. Non. Ce qui fait que, ouais, c'était son retour à la compétition, a été éliminé en ronde des 32, si je me trompe pas, dans les Losers Bracket. S'est fait battre par des joueurs qui auraient jamais dû le battre en principe. Le plus impressionnant, je pense, dans le tournoi, c'est la performance de Ice, gros shout-out à Ice, qui a réussi à terminer 3e. Il a vraiment fait une très très bonne run, à éliminer tout le monde, là, c'était incroyable. Je pense que c'est lui d'ailleurs qui a éliminé les fans, je veux pas m'avancer trop, mais écoute, très gros tournoi pour Ice, bat Mewtwo King en finale consolation pour terminer 3e. Je te lève mon chapeau, vraiment une très belle performance. Bon, c'est bien beau le e-sport, mais le sport physique aussi c'est important. Maxime tente d'expliquer à Guillaume le sport qu'il pratique, l'art du déplacement. Ouais, fait que tu fais attention de ta santé, t'as pris un bon frit sauce. Écoute, Guillaume, c'est pas juste la santé physique qui est importante, la santé mentale, c'est tout aussi important. Ça, c'est vrai, ils disent même que la maladie du siècle, c'est la dépression, fait que... Fait que si t'essayes de te tenir en forme, pis tout, pis bien manger, si tu te fais pas des petits plaisirs de temps en temps... Ben, tu vas être triste pareil. T'sais, à moins que tu tripes vraiment sur manger du melon d'eau, mais des fois, c'est bon manger des trucs qui sont pas bons pour la santé aussi. Ouais, mais en tout cas, je peux suivre un peu ce que là où est-ce que tu veux m'emmener, dans le fond, t'es en train de me dire qu'on peut se bourrer la face comme des cochons? Non. Non? Tu peux te bourrer la face comme des cochons de temps en temps. Ah, OK. Fait que si t'as une belle rigueur, que tu manges tes fruits et légumes à tous les jours... Pis de l'eau au citron. Pis de l'eau au citronné, oui, pis que t'arrêtes le pot, la poudre, pis les putes, ben là, tu peux te dire, bon, c'est dimanche midi, j'en profite pour me prendre un petit frit de sauce. Un petit frit de sauce avec du pot, de la poudre pis des putes. Et idéalement, un des quatre. Un des quatre, ok. Bon, pas comme dans Donjon Dragon, là, pas un des quatre. Tu sais pas un des quatre. Un des quatre. Oh, j'ai les cartes. Trois ou quatre. Mais non, mais une fois de temps en temps, t'as le droit de te permettre un petit quelque chose. Tu sais, un des quatre, tu pognes un, t'es comme, ah, mon Dieu, c'est bon, pas que je choisisse. C'est ça, c'est une grosse pute poilue avec des gros bras. Elle mange tes citrons. En te tapant dans la gueule. Bon, mais bref, mais de toute façon, je vais m'entraîner tantôt, fait que ça va compenser anyway. Ben ouais, ouais, au gym! Ben c'est dans un gym, là, surtout parce qu'il commence à faire froid pis qu'il mouille. Ah, okay. Mais je fais pas de l'entraînement de poids pis de tapis roulant comme. Ok, t'es pas Goldberg. Je suis pas Goldberg, je suis pas douchebag, pis j'habite pas à Laval. Ok, c'est bon. La Mumba. En fait, moi je fais de l'art du déplacement, okay. Aussi souvent représenté ADD, mais souvent aussi appelé parcours. Parcours! Mais c'est pas tout à fait la même chose. Nuance? La nuance, c'est que l'ADD, c'est vraiment comme le nom de la discipline qui est inventée par les Yamak en France. Ok. Ok, fait que pour ceux qui connaissent pas, il y a beaucoup de personnes qui ont vu le film. Moi, je connais les Yamak, là. Les Yamak, t'accroches ça sur deux arbres, non. Puis tu peux te coucher. Mais c'est un Y pas silencieux au début. Yamak. Ok. C'est une communauté en France. Il y a un film là-dessus. Je l'ai pas vu encore, mais il y a beaucoup de monde qui l'ont vu. Mm-hmm. C'est eux qui ont inventé l'art du déplacement. Ok. Puis le parcours, c'est l'art du déplacement, oui, mais un peu plus à l'américaine show-off. Urbain. Mais pas nécessairement urbain, c'est que mais, comme il y en a un gros gym de parcours à Montréal, okay. Mais c'est pas, tu vas pas là pour apprendre à faire du parcours, tu vas là pour faire « Hey, checké, je suis capable de faire ça, moi je suis trop hot. » Ok, c'est dans le fond, c'est genre, je fais un triple backflip en chess, puis je veux te le montrer. Ouais, exactement. Okay. Tandis que la discipline en tant que telle, c'est vraiment une discipline d'apprentissage, puis de communauté qui rapproche tout le monde. Fait qu'il y a personne qui est discriminé là-dedans. Si t'es pas bon, ben, fait, c'est pas grave, la personne va te montrer comment mieux sauter. Il y a personne qui juge personne dans l'ADD. Ok. C'est, en réalité, le gym, c'est que je vais, c'est la seule école au Québec qui est approuvée par les Yamakasi. Ok. Ben, c'est la seule école officielle d'ADD. Ah, oh, quand même. Le seul manière de faire vraiment de l'ADD au Québec, c'est où est-ce que je vais. Ok, ben, c'est beau. Mais vu que ADD, ça ne dit rien à personne, je dis parcours quand même. Parcours, ok. Mais c'est techniquement pas ça que je fais. Ok, parce que sinon que ça, t'aurais un jugement. Mais t'as dit que personne ne jugeait personne. C'est ça. Tout le monde juge tout le monde. Peut-être qu'intérieurement, définitivement, il y a des gens qui jugent, mais c'est une attitude de partage. Ok. Il y a personne qui va là-bas pour bâcher sur personne. Ok, là. Ok. Bon, fait que même s'il dit ce qui est vraiment pas bon, lui. C'est pas genre hey, maigri pour revivre, là. Hey. Non, c'est ça. Il y en a du monde. Ils font de l'ADD avec du monde de 50 ans en plus. Puis ils sont pas là à dire hey, vous serez jamais capable de faire ce qu'on fait nous autres dans notre vingtaine. Là. Non, c'est là pour que tout le monde puisse bouger puis apprendre les techniques de comment bouger correctement sans se blesser. Ok. Ça me fait beaucoup rire ce que tu dis, comment bouger correctement, tu sais. On pense qu'on sait tout, mais il y a toujours quelqu'un qui nous dit qu'on le fait pas comme il faut, tu sais. Tu sais pas comment bouger, tu sais pas comment respirer, je vais t'apprendre à respirer. Tu sais pas comment t'asseoir à l'ordinateur. Ouais, t'apprendre comment t'asseoir devant un ordinateur. Sacré bleu, là, on est capable de vivre aussi, là. Mais je trouve ça drôle comment tu le dis. En même temps, je vois ton point, puis je vois tout l'apprentissage que t'as à faire pour comprendre ton environnement, puis savoir que ben comment justement... te mouvoir dans l'environnement sans te blesser. Ben, tu sais, veux pas, mais mettons, toi, tu dis, hey, aujourd'hui, on va courir un marathon, tu vas te claquer une cuisse. Ben là. Oui, c'est clair. Tu sais, tes muscles sont pas prêts pour ça. Ben, tu sais, même si tu fais juste de la course, faut que tu apprennes comment te réchauffer, comment progresser, quand t'arrêter, mm-hmm. Tu sais, comment ralentir, comment accélérer. Parce que veux pas, si tu vas juste faire de la course de même, tu risques peut-être de donner des coups trop forts, tu vas te maganer les genoux. Oui. Ben, juste... L'épaule, peut-être, j'ai une petite douleur à l'épaule, puis je recommence à courir, peut-être qu'il y a un lien. Ben, c'est ça, là, ben, parce que tu bouges mal. Ben oui, ben oui, c'est juste ça. Juste de même, c'est une manière de bouger, là, fait que même sans passer les bouts, hey, il saute sur les toits, là. Ouais, mais c'est quand même ce qui est impressionnant là-dedans. C'est quand même impressionnant, mais je veux dire, je suis pas encore à un moment où c'est que je suis à l'aise de dire, ah oui, je vais le faire, parce que je veux pas, c'est dangereux. Ben oui, c'est dangereux. Ta vie est en jeu. Puis je veux dire, tout ce que je fais là-bas, c'est... Des fois, je peux pas croire que je fais ça, là. Tu sais, on saute sur des rampes, puis c'est un gym, fait que c'est fait pour ça. Mais souvent, on va dans les parcs aussi, puis mettons, on apprend à faire des sauts de chat. Les sauts de chat, c'est quand tu sautes avec comme tes deux mains un peu plus larges que les épaules, puis une fois que t'as... Mettons qu'on dit qu'on monte sur une table, mais à peu près à la hauteur d'une table, le saut de chat, je mets mes deux mains sur la table, je saute, puis mes deux pieds atterrissent à l'intérieur de mes mains. OK. Fait que ça fait comme une position de chat, parce que je suis comme à quatre pattes. Ton poilier risse, puis tu craches les boules de poil. Exactement. Là, on est tout là en train de se lécher, là, c'est malade. C'est cool, tu bois du lait, puis tout. Fait que ça, c'est le saut de chat. Qui est pas vraiment quelque chose de facile en tant que tel, parce que... Non. C'est quand la dernière fois que t'as sauté, puis t'as sauté avec tes jambes à l'intérieur de tes bras? C'est probablement un jeu du saut de grenouille au quatre terrains de jeu. Exactement. Encore là, probablement que mes bras t'es à l'intérieur. C'est ça, parce que c'est pas comme ça qu'on saute naturellement, mais c'est comme ça qui est plus facile et plus efficace de sauter souvent. Fait que ça, c'est quelque chose de difficile, juste se dire « Hey, là, je saute, faut pas que mes jambes s'écartillent. » Mais c'est passé, on c'est a tout une... Mais oui, c'est ça, fait que c'est comme... C'est pas un réflexe, mais je veux dire... C'est engravé. C'est un réflexe. C'est mémoire de mouvement. Là, ouais. Fait que ça, c'est plein de trucs comme à désapprendre. Tu sais, t'es capable de t'imaginer une table de pique-nique? Oh oui. Bon, mais imagine-la pas dans le sens de la longueur, dans le sens de la largeur. Ouais. Fait que là, il y a le banc, il y a la table à pique-nique, il y a l'autre banc. Ouais. Ben, je suis capable de sauter par-dessus une table à pique-nique. Sans y toucher? Ben, je saute avec mes mains, puis là, mes pieds passent au travers, à l'intérieur de mes mains. Comme le saut de chat que je viens de décrire. Ouais. Puis là, avec mes mains, je suis capable de me donner un élan, puis j'atterris de l'autre côté de la table. Et qu'il faudrait pas que tu fasses comme Vince McMahon, te péter les deux tibias, puis passer. En fait, c'était les deux cuisses, là, mais c'était très drôle. Mais mon doux, c'est impressionnant quand même. Ben oui, puis je veux dire, il y a des rampes à peu près à la hauteur de justement un peu plus haut qu'une table à pique-nique. Ouais. Puis le gym, là, en tant que tel, tous les exercices sont passés sur le fait de sauter dessus, passer au travers, rester debout dessus. Okay. Sauter à partir des distances quand même hautes, puis atterrir à terre, faire des roulades sur le béton, monter sur un mur. Okay. C'est toutes des techniques, tu dis, hey mon dieu, c'est hyper tough, mais tu le fais quelques fois, puis tu dis, hey mon dieu, je suis capable de faire ça. C'est vraiment juste la technique, puis c'est vraiment impressionnant de voir la courbe de progression, là, j'en fais juste une fois par semaine, puis je m'améliore à toutes les semaines. Ouais, mais c'est vraiment hot. Puis quand tu vas là-bas, ils te disent, ben, tu sais, une fois de temps en temps, prends une pute ou ben un frit de sauce. Oui, c'est la on a aussi de la théorie où c'est qu'on apprend comment bien sniffer de la coke. Là, ok, on s'entend. Ok, ouais, je comprends. Mais oui, c'est une discipline que j'ai vu ça en passant devant. Michael Lachance, je suis en train de Michael. Ben au départ, je me souviens, t'avais été un petit peu insulté parce que je me moquais de toi. Moi, la seule vision du parcours que j'ai, c'est les gars en bedaine qui courent sur des toits. Fait que moi, quand tu m'as dit je vais prendre des cours de parcours, j'étais comme, t'es en train de me niaiser, là, tu vas visiblement pas te mettre en chest pis courir sur des toits, là. C'est quoi la blague, là? Ben oui, c'est ça. Moi, j'étais insulté, ben j'étais très sérieux, pis c'était une discipline entière. Ouais. Puis c'est une fausse représentation que j'avais, qui avait dans la forte, puis que j'ai posé un jugement, parce que tout le monde pose des jugements. Puis c'est un jugement hâtif qui était, ma foi, fort peu enviable. Ouais, mais bref, c'est ça. Je vais dire un peu de quoi ça a l'air un cours pour terminer. Ouais. Fait que je fais le cours le dimanche soir, parce que c'est ce qui fait le plus dans mon horaire. Ouais, c'est des cours pour débutants. OK. Fait qu'on arrive là-bas, on commence par une partie plus training. Fait qu'on fait, on se réchauffe, on fait des push-ups, de la course, un peu de saut. Rien de très technique, là, c'est vraiment juste pour se faire suer puis faire un peu de bras. On fait aussi des chin-ups. OK. Puis des pull-ups. En fait, c'est plus des pull-ups qu'ils font parce que c'est plus la technique. Les pull-ups? Ben, pour ceux qui connaissent pas l'entraînement. Les chin-ups, c'est quand tu mets tes deux bras vers toi, puis là, tu montes vers une barre. Sauf qu'en faisant ça, tes épaules ferment. OK. Fait que tu peux avoir des problèmes d'épaule à force de juste faire ça. Ouais, c'est important d'alterner entre ça puis des pull-ups, où est-ce que tes mains sont dans ta face. Ouais, dans ta face. Que tu vois le dessus de tes mains. Tu vois la paume de tes... Pas ouais, la paume, tu vois l'extérieur. C'est ça. Puis là, tu forces comme ça. Sauf que c'est plus tough, faire ça. Ah oui. Mais deux, c'est aussi le mouvement. Si jamais tu viens pour monter sur un mur... Ouais, ben oui. Ben, tu sais, tu peux c'est pas faire... la position initiale. Tu peux pas faire un pull-up parce qu'il y a un mur. Fait ouais. Faut que tu fasses... tu peux pas faire un chin-up. Faut que tu fasses un pull-up pour réussir à monter sur le mur. Ouais. Fait qu'en plus de faire des pull-ups, ça te prépare aussi pour la technique. Pour la vie. Oui, c'est ça, la vie de tous les jours, quoi, si tu veux monter sur un mur. Ben oui, non, mais je veux dire, on parlait de l'éducation l'autre fois, apprendre en faisant. C'est ça, tu sais, ils sont pas là à nous dire, ah oui, là, si vous rencontrez un mur, vous devez... Non, on va sur le mur, puis on essaie de monter. Va sur le mur, puis ils te disent, essaye de grimper, je vais te montrer comment on fait, puis maintenant, fais-le. Exact. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, ça commence comme ça. Ça dure à peu près une demi-heure, 45 minutes. Après ça, on a un autre 45 minutes. Une demi-heure, 45 minutes encore, où est-ce que là on fait plus de la technique, et ils montent plus. Et là, c'est comme ça qu'on saute, c'est comme ça qu'on passe par-dessus un obstacle. Mm-hmm. Dans le cours, là, je parlais du saut de chat, ils ont un genre de step qui est un peu comme pyramidal, mais ouais, le dessus est plat. Ah, ok, comme un cheval d'arçon. Ouais, un peu, ça ressemble à ça. Ouais, ça il y en a un qui est comme à peu près de ma grandeur, là, à peu près 5 pieds et demi, puis on passe par-dessus en faisant des sauts. Là. Ouais! C'est mais c'est donc bien cool. C'est fou braque. C'est là. Vraiment hot. Fait que dans le fond, toi, là, si à un temps tu te promènes, tu décides que tu vas prendre une marche la nuit, puis il y a un clown qui te court après, tu vas être capable de le semer. Non, mais je vais être capable de sauter par-dessus. Quoi de mieux pour encourager des sportifs que des cheerleaders? Laissons cette piètre parodie de Mr. Flamingo faire la prochaine présentation. Bonjour ladies and gentlemen, je suis ici, c'est aujourd'hui au 17 Avenue des Pins avec Guillaume des Furieux Frangins. Salut! Il est ici pour nous présenter une chanson qu'il a traduit de Omi qui s'appelle Cheerleader. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, après avoir gagné la première saison des Furieux Frangins puis avoir gagné la première moitié de la deuxième saison, ben je me suis dit que je devrais peut-être essayer un nouveau concept. Fait que j'ai décidé de vous faire des chansons. C'est une chanson de laquelle je suis pas mal fier, c'est assez pop là, puis en tout cas, vous devriez aimer ça. C'est une reprise en français si je comprends bien. Reprise en français de Cheerleader, ça commence à l'instant. On vous laisse donc avec Guillaume qui vous susurre à l'oreille Cheerleader. C'est toi puis on mettra le sonore après. Ah ouais, ça peut être ça. Mais c'est pas ça qu'on avait fait la dernière fois. C'est ça. J'ai besoin de motivation. Ma solution, c'est ma reine parce que c'est une butch. Ouais, ouais, elle est toujours écrasée dans le coin. Là, quand je la veux, toutes les filles me tentent, mais je suis vide quand tu pars, pis ils disent, t'as-tu besoin de moi? Tu me trouves-tu sexy? Je te donne-tu le goût de tricher? Je suis genre, ben non, là, parce que je pense que j'ai trouvé une meneuse de claque. Elle est toujours juste là quand j'en ai besoin. Je pense que j'ai trouvé une meneuse de claque. Elle est toujours juste là quand j'en ai besoin. Elle marche comme un modèle. Elle exauce mes souhaits, c'est Eugénie dans une bouteille. Ouais, ouais. Parce que je suis le gourou de l'amour. Pis j'ai une bonne baguette, toutes les filles me tentent, mais je suis vide quand tu pars, pis ils disent, t'as-tu besoin de moi? Non. Tu me trouves-tu sexy? Un peu. Je te donne-tu le goût de tricher, je suis genre. Ben non, là. Parce que je pense que j'ai trouvé une meneuse de claque. Elle est toujours juste là quand j'en ai besoin. Je pense que j'ai trouvé une meneuse de claque. Elle est toujours juste là quand j'en ai besoin. Oh yeah, c'était bon ça! Ah, c'est bon, pas pire! Hey, hein? Ouais, ouais, ouais! Mon Dieu, c'est mieux que Jérémy Gabriel. Hey. Si Omi a trouvé sa meneuse de claque, Guillaume a trouvé son frangin, Maxime. Nous les retrouvons alors qu'ils s'apprêtent à célébrer un anniversaire bien spécial. As-tu remarqué mon petit chapeau festif? Hey, parle-moi de ça, t'as-tu remarqué les confettis? Oh oui, mon Dieu, est-ce qu'on les lance dans les airs? Un, deux, trois... Oui! Ça va faire maintenant un an que les Furieux Frangins existent. Ok, oui! Ça me rend vraiment excité. C'est quoi ça, les Furieux Frangins, Guillaume? Les Furieux Frangins, ça, c'est les frères princesses avant qu'on vienne les frères princesses. C'est trois gars. Dis-le pas, on l'a pas encore trademark, c'est vrai, les frères princesses. C'est trois gars, Félix, Guillaume puis Maxime, FMG pour les intimes. Trois frères qui font des compétitions de jeux vidéo vraiment extrêmes badass, qui tournent un petit peu au vinaigre dans la saison 2 pour vous donner des spoilers, mais qui étaient vraiment cool dans la première saison parce que j'ai gagné. Mais ouais, puis dans le fond, on faisait des speedruns sur Twitch, mais il y a personne qui comprenait notre concept, fait qu'on va essayer de l'expliquer une fois pour toutes. Ok, fait que là, peut-être qu'on en fait plus, mais pour... Si jamais quelqu'un dit, hey, j'aimerais ça aller les regarder, ben si vous allez sur lesfurieuxfrangins.com, ça amène sur notre page YouTube. Oui. Puis tous les épisodes sont dessus. Oui. Donc, les Furieux Frangins, on choisissait aux deux semaines un jeu vidéo, lequel on devait speedrunner tous les trois en même temps, live sur Twitch. Fait qu'on va expliquer un petit peu le speedrun. On a déjà parlé dans un autre épisode, mais juste pour vous rafraîchir la mémoire. Oui. Le speedrun, c'est l'art. C'est un art, ouais, je pense. C'est un art. L'art de terminer des jeux vidéo très rapidement. Oui, exactement. Le plus rapidement possible, à vrai dire. Il y a des compétitions, des records mondiaux, des événements assez importants là, pour justement mettre en valeur le speedrun puis toute la communauté qui se cache derrière ça. Ce qui est fun avec cette communauté-là, c'est que souvent, les gens vont chercher de l'argent pour des organismes de charité. Oui. C'est rare que les gens font ça pour eux-mêmes. D'habitude, c'est pour aider d'autres mondes en plus. Fait que ça, c'est vraiment cool. C'est très noble de leur part. On vous salue, mes chers. Ce qui fait que nous, on a dit, ben pourquoi pas faire ça au Québec? Ce qu'on remarque, c'est qu'au Québec, le bassin de population qui suit peut-être les événements Twitch est peut-être moins populaire et moins important qu'aux États-Unis, mettons. Ben déjà, juste pour te donner une idée, au Québec, on est quoi, 5 millions? 8. 8 millions, on est 8 millions. Dans la province. Dans la province, on est 8 millions. Sur la Terre, nous sommes 8 milliards. Ouais. Mais juste pour te donner une idée, mettons, la console... la deuxième console qui était le plus vendue au monde, c'est la Nintendo DS avec genre 180 millions d'unités. Ok. On est 8 milliards sur Terre, la console la plus vendue a comme même pas 20% de la population qui l'a achetée. Juste pour te donner une idée, là, c'est... Ah, ok, ouais, ouais, comment est-ce que les médias... Tu sais, je veux dire, on s'imagine les jeux vidéo, c'est gros pis tout, oh, mais ouais. Tu sais, il y a... ça reste quand même juste une toute petite partie de la population mondiale. Ouais, on va pas chercher tant de monde que ça avec des thèmes comme ça. Ok, plus. Je comprends ce que tu veux dire. Je voyais pas exactement ton point où est-ce que tu voulais en venir, mais là, je comprends. Enfin bref, on a essayé d'émuler ça. Ça marchait dans notre cœur, là, mais en tout cas, on a fait une saison et demie. Puis après ça, le projet un petit peu... Hey là, Guillaume, là, on est en train un peu de dire que le projet est tombé à l'eau, mais on n'a toujours pas expliqué c'était quoi. Là. Ils savent qu'on faisait du speedrun aux deux semaines. Ouais, c'est vrai, on faisait du speedrun aux deux semaines. Mais c'était pas juste du speedrun aux deux semaines. Le principe de nos speedruns, c'est que Guillaume, Félix et moi, puis on essayait d'inviter une quatrième personne à chaque semaine, on faisait le speedrun tout en même temps. Oui. Fait que le premier qui terminait le jeu, ou l'objectif qu'on s'était donné cette semaine-là, fait que mettons le premier épisode qui est arrivé il y a un an à quelques jours près, oui, qui était Super Mario World, c'était le premier qui finissait Super Mario World sans passer par les passages spéciaux. Oui. Bon, fait que là, moi je le faisais sur ma console, Guillaume le faisait sur sa console, Fix le faisait sur sa console, puis le premier qui terminait finissait premier, l'endroit le plus loin que moi j'étais donnait ma position. Fait que si j'étais plus loin que Félix, j'étais deuxième, j'étais moins loin que Félix, j'étais troisième. Ouais. Fait que, en plus de faire du speedrun, on le faisait tout en même temps, puis on faisait ça vraiment dans un contexte de compétition, avec un classement. Fait que si on finissait premier, ça donnait tant de points, deuxième, ça donnait tant de points, troisième, tant de points, puis l'invité aussi pouvait se mener au classement, puis prendre des positions. C'est comme une ligue de speedrun, ouais, si on veut. Exactement. Fait que c'est comme si tu regardais la LNH, mais tu remplaces le hockey par des gens qui terminent des jeux. Exactement. C'est juste ça, notre vous concept. Vous suivez jusque-là? Good. Parce que là, c'est là qu'on entre dans la partie le fun du jeu. En tant que tel, on choisissait chacun des jeux lesquels on avait plus de spécialité puis d'affinité envers ceux-ci. Puis on faisait un agenda qui nous permettait de donner les jeux auxquels on allait jouer pendant le mois, pendant la saison. Oui. Puis au terme de laquelle on couronnait un gagnant avec un trophée crafté à la main par Maxime. Même. C'était vraiment un cool trophée qui allume. Il y a une lumière, des ouais, lumières à l'intérieur. Cool. C'est moi qui l'ai présentement vu que j'ai gagné la première saison. Puis la deuxième saison, ben, on l'a jamais complété. Mais on pourrait faire un revival of Furieux Frangin someday ou ben un truc du genre là. Mais la chaîne YouTube en tant que telle est pas morte. Non, c'est ça. Parce que en tant que telle, les Furieux Frangins, comme l'émission mère, ouais, était les speedruns aux deux semaines. Oui. Qui sont disponibles en intégraux parce que là on a raconté ça, mais en plus de ça, on le faisait live. Oui. Fait qu'on on mettait ça sur Twitch, qui est un site de streaming, mm-hmm, donc de diffusion en direct. Puis on diffusait en direct nos compétitions, fait qu'on voyait toutes nos faces, tous nos jeux, puis on parlait en plus de jouer. Ouais. Puis on mettait les épisodes en intégraux sur notre chaîne YouTube, puis on a aussi quelques épisodes où est-ce qu'on a fait les meilleurs moments, qu'on a coupé les meilleurs moments pour faire des vidéos plus courtes, parce que pas un speedrun, on essayait de viser des trucs qui duraient une heure. Ouais. Fait que c'est pas tout le temps intéressant pendant une heure à regarder, ouais, là, quand tu le vois pas en direct. Mm-hmm. Ça c'est vrai, parce que l'aspect en direct... Ce que je trouve intéressant de l'aspect en direct, c'est que t'as le thrill d'être là, puis de te dire « Ah ben Colin, je suis la compétition, puis j'ai bien hâte de voir qui est-ce qui va gagner. » C'est comme ça. Quand tu regardes le 24CH, ou quand tu regardes CH en tout cas le, wow, ouais, c'est l'émission là, là. CH Express, Canadien, ouais, Express, où t'écoutes la game en direct. C'est avec pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas la même ambiance. Sauf que visiblement, il y avait personne vraiment qui était là pour dire « Ah oui, je vais être le mercredi soir, je me réserve le mercredi soir pour aller écouter les frangins. » Ouais. Puis quand on le mettait sur YouTube, ben vu que c'est des vidéos d'une heure, il y a personne qui s'assisait pour écouter une heure de gars qui sont en train de jouer à des jeux vidéo, puis que tu peux même pas interagir avec eux. Voilà. Fait que là, on était comme divisé entre les deux plateformes, puis il y a personne qui accrochait sur Twitch, puis il y a personne qui accrochait sur YouTube non plus. Voilà. Puis les fois qu'on a invité du monde qui était pas notre cousin, qui est proche de nous puis à qui on parle beaucoup, ouais, ben les autres invités comprenaient pas vraiment le principe, puis ils se pratiquaient pas, alors que nous on se pratiquait. Ouais. Fait que là, on recevait des invités on qui avaient comme. On les humiliait. Parce qu'eux n'avaient pas le temps de se rendre loin d'un jeu. Puis en plus de ça, ben, on n'avait pas grand chose à leur dire parce que souvent ils étaient comme là, puis ils venaient jouer, puis ils s'étaient pas plus intéressés que ça au jeu, ou ils nous avaient pas dit qu'ils connaissaient pas vraiment le jeu non plus. Fait que ce qui donnait des situations un peu malaisantes avec les invités. Là. Ouais, à la limite loufoque, là. Ben, on va avoir un peu de retenue sur le loufoque. C'est ça. Donc, la chaîne n'est pas morte, officiellement. On a encore du contenu de préparer, puis du contenu qui va arriver comme contenu audiovisuel sur la chaîne. Entre autres, suivez ce lien qui est encore d'actualité. Oui, suivez ce lien. J'ai deux épisodes de fait en ce moment. J'ai un troisième épisode d'écrit. Sauf qu'il fallait que je filme un sketch, puis trouver des gens pour filmer des sketchs, c'est pas tout le temps facile, pas tout le temps. Mais là, il est filmé, C'est très cocasse. On a fait ça justement à la fête de notre maman. Avant de la planter au crib. Hey, c'est notre préparation de compétition. Ça va être vraiment cool. Je vais faire le montage récemment. Là, il me reste à m'enregistrer puis à faire le petit montage vidéo. C'est pas quelque chose de très, très compliqué. Fait que ça, c'est mon prochaine étape vidéo. Suivez ce lien. Les autres épisodes risquent d'arriver un peu plus vite parce que j'aurais pas nécessairement besoin de faire d'un sketch avec trois personnes avec des props précises. Ouais, exactement. Puis il n'en demeure pas moins que il y a ton projet de super-héros qui pourrait faire partie de la chaîne Furieux Frangin. Ouais, ça va être à discuter justement parce qu'on le fait avec quelqu'un d'autre. Mais Mickaël nous aime beaucoup. Puis je pense qu'on. T'sais, il fait comme partie de la famille, là, fait que c'est un furieux frangin dans notre cœur aussi. Ouais, exactement. T'as pas besoin d'être mon frère pour être un frangin, tu sais. Ouais, exactement. Fait que peut-être qu'on va faire une expansion des furieux frangins parce que peut-être inclure Mickaël. Je sais que David fait sa vidéo sur sa chaîne Super Mégadave. Fait que aussi. Peut-être qu'on pourrait comme le faire comme un mini collectif à l'intérieur de nos collectifs. Ouais, exactement. Et il y a d'autres projets aussi personnages, j'en avais peut-être un peu parlé des émissions que je voulais monter. J'ai rien encore de très très écrit, c'est seulement les fondations qui sont là. Il reste à mettre des étages là, sous le gâteau, mais le gâteau risque d'être très très bon là, et sucré même. J'ai hâte de voir ça puis de goûter à ça, ces émissions là. Oui, mon Maxime. Il y avait aussi un pilote qu'on n'a jamais release. Petite émission qui s'appelait Rafraîchis ma mémoire. Histoire fraîche. Oh que oui, c'est vrai ça. Qui est quand même drôle. Ouais. Sauf qu'on avait décidé de le faire en. C'est une émission où c'est Guillaume puis moi on se rappelle comme des souvenirs de plus geek et jeux vidéo. Ouais. Où est-ce qu'on s'ostine un peu, mais c'était improvisé. Ouais. Puis Guillaume, c'est plus Guillaume que moi, ça venait moins le chercher le fait que cette émission-là était improvisée. Ouais, ben j'aime mieux comme avoir une structure écrite, puis surtout sur quelque chose d'audiovisuel. Seulement de l'audio, on fait un peu d'improvisation là ici au 17 Avenue des Pins, mais n'en demeure pas moins que quand t'as l'audiovisuel, le visuel est très très important. Là. La façon dont tu te positionnes, les mimiques de face que tu fais. Parce que je veux pas, on fait pas juste parler d'un sujet, tu sais, on est quand même une dynamique plus d'humour. Fait que ouais. C'est quand même important d'être comme ça coche. Ouais, exactement. Quand t'improvises 100% de ton matériel, ben mettons 90% de ton matériel dans quelque chose comme ça, c'est belle valeur, mais il y a des bouts où est-ce que tu vas être comme ah ben là il y a un 5 secondes où est-ce que ça a été perdu ici, un autre là. Finalement, tu te ramasses d'une vidéo de 10 minutes qu'à une minute et demie tu pourras couper de la vidéo si tu t'étais préparé. Là. Ouais. Fait que c'est. C'est vrai. C'est ce genre de truc qui m'accrochait moins. Mais qui fait cocasse, ben finalement après avoir filmé puis mis ça sur gros écran, on s'est rendu compte que ma caméra arrêtait pas d'auto-focusser. La caméra est à chier. Puis que finalement, ma caméra, je sais pas ce que j'ai fait avec, mais elle était tight au début, mais là, elle est rendue complètement dégueulasse. Fait que c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est acheté une vraie bonne caméra. Ouais. Comme on peut voir dans nos vidéos d'annonce, c'est filmé avec notre nouvelle caméra, puis c'est vraiment plus beau. Ouais, mais oui, c'est officiel. Ça, c'est peut-être un projet qu'on va réécrire, puis qu'on va représenter. Ouais. Puis sinon, pour le 17 Avenue des Pins, on va. Là, déjà, il y a les vidéos. Vous pouvez les écouter en live sur Puissance Maximale. Les réécouter en audio. Ouais, sur Mixcloud. Vous pouvez les écouter en audio avec une petite image en mode vidéo, si on veut, sur Facebook. Oui. Puis on va mettre les chroniques de la semaine sur YouTube. Oui. Fait comme ça, si vous connaissez les Furieux Frangins ou le 17 Avenue des Pins, puis que vous n'avez pas vraiment, nécessairement le temps d'écouter un podcast d'une heure, mais vous allez pouvoir écouter un petit 10-15 minutes de ce qu'on considère la meilleure chronique de la semaine sur YouTube. Fait que ça s'en vient bientôt. Oui. Fait qu'il y a toutes ces avenues-là dans lesquelles vous pouvez nous écouter. Oui, fait qu'on va laisser le lien sur la page Facebook du 7 Avenue des Pins vers la page des Furieux Frangins. Oui. Vous allez laisser les notations j'aime ou laisser vos commentaires, dire qu'on est des caves, qu'on n'est pas bon. Vous avez le droit aussi, dans le fond, c'est libre de droit. Mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser en tant qu'auditeur assis dans votre salon en bobette qui mange des Cheetos au fromage. Ah! Mais par contre, il va falloir qu'on arrête de parler de choses au fromage parce que le coucou vient de sonner. Je sais, ça m'embellait trop ces petites croustilles salées. Non, c'est fromage. Je sais. Mais tu sais, c'est le fun de parler de nos projets et de ces affaires-là. T'as une grosse semaine en perspective. Pas tant que ça, pour une fois. Quelque chose d'un peu plus tranquille. On va faire de l'impro. On va écrire un peu des projets. De l'impro, pas n'importe quelle impro. L'impro avec de la bière! Mais là, le mec, ça passe, ce premier match va avoir eu lieu. Mais la semaine prochaine, On va encore avoir de la bière, puis on joue contre une équipe de France. Oh que oui! France Castel! Non, France d'amour! France d'amour! Fait que si vous voulez nous voir ce match-là, venez nous voir au Patro Camado, puis ben, je pense qu'on peut se laisser. Puis vous pouvez nous voir aussi sur Puissance Maximale au 17 Avenue des Pins! bonne semaine, Max. Ciao! Le 17 Avenue des Pins est une production Puissance Maximale, d'une idée originale réalisée, montée et animée par Maxime et Guillaume Meunier. De retour la semaine prochaine, toujours mercredi, 19h.